Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Tintin et le Québec. Je me souviens que quand j'étais gosse, je me racontais des histoires à moi-même. Et pour ne pas les oublier, j'en faisais vraiment des strips dans mes cahiers, ce qui me valait parfois des réprimandes sévères de la part de mes professeurs. Et est-ce que vous étiez un bon élève en dessin? En dessin, non, pas du tout. Et vous ne vous destiniez donc pas nécessairement à une carrière de dessinateur? Pas du tout, non, jamais je n'ai envisagé de pouvoir faire du dessin ma carrière. Que la journaliste Judith Jasmin se rende en Belgique en 1962 pour réaliser une entrevue avec Hergé témoigne bien du succès que remporte chez nous son personnage de Tintin à ce moment-là. Dans le Québec des années 60, il faut savoir qu'il se vend entre 150 et 200 000 albums de Tintin chaque année. Pour les amateurs du célèbre reporter et de son petit chien Milou, la visite d'Hergé au Québec en 1965 est donc un événement à ne pas manquer. Alors le voici, ce fameux Denis Thérien, l'as des as, celui qui a triomphé d'à peu près 2300 candidats pour devenir le concurrent à tous pour un. Quel âge as-tu, Denis? 12 ans. Tu as 12 ans? Oui. Et tu vas à l'école ou au collège? Au collège. Tu vas au collège. Écoute, Denis, je suis certain, comme je ne l'ai jamais été, que tous ceux qui te regardent en ce moment souhaitent que tu gagnes. Et d'ailleurs, nous avons déjà reçu à ton intention, plusieurs témoignages d'encouragement, et si tu veux, j'y tiens, je vais t'en montrer un. Regarde bien l'écran qui est là. C'est de Bruxelles que je m'adresse à toi, mon cher Denis Thérien. J'ai appris ton nom par un télégramme m'annonçant ton succès. La première chose que je dois donc faire, mon cher Denis, c'est de te féliciter. Tu es certainement un as, puisque tu étais le meilleur parmi des milliers de concurrents. Mais maintenant, Denis Thérien, c'est à toi de jouer. Au revoir et bonne chance. Est-ce que tu as reconnu ce monsieur? Oui, Hergé. C'est Hergé lui-même. Hein, c'est pas un mince honneur qu'il te fait de s'adresser depuis Bruxelles à Denis Thérien à Montréal. Je ne m'attendais pas à cela. T'attendais pas à ça, hein? Oui. Ben, on pensait bien qu'on te ferait une surprise. Extrait de l'émission « Tous pour un », animé par Raymond Charrette et diffusé à la télé de Radio-Canada le 8 mai 1967. Cet extrait témoigne très, très bien de la popularité que Tintin a chez nous dans les années 1960. Un « Tous pour un » à l'époque consacré à Tintin, au personnage d'Hergé. Pour nous parler du phénomène Tintin au Québec, pour nous raconter aussi la visite de son créateur Hergé chez nous en 1965, je reçois le BDiste et animateur Tristan Demers, qui est aussi l'auteur du livre « Tintin et le Québec, Hergé au cœur de la révolution ». Évolution tranquille. Tristan Demers, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques années, Tristan, un livre consacré justement à cette relation qu'ont entretenue les Québécois avec Tintin dans les années 60 et sur la visite aussi d'Hergé au Québec en 65, livre qui vient d'être réédité en version revue augmentée. Pourquoi publier un livre à ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette relation-là entre le Québec et Tintin? Bien, c'est vrai que Tintin, ça a été le héros marquant de toute une génération. Le contexte social était propice dans les années 60 et même idéal à la popularité d'un personnage comme Tintin. D'abord, la population était jeune. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, on est avant l'Expo. Hein, et ce que proposait Hergé, c'était des aventures, mais avec un grand A. On est aux assises même de la Révolution tranquille et dès l'après-guerre comme ça, on s'est mis à voyager avec Tintin. C'était cette espèce de clé d'ouverture sur le monde. Et puis, ce divertissement-là a eu un rayonnement très grand rapidement parce qu'une machine s'est installée tant au niveau de la distribution que, par exemple, la diffusion des aventures dans les journaux, dans les suppléments des journaux jeunesse le week-end. Oui. Et puis, un paquet de choses. Il y a eu des films, il y a eu des dessins animés. Et à l'époque où le clergé était quand même bien présent dans toutes les sphères de divertissement jeunesse, appelons ça comme ça, eh bien, c'était rassurant Tintin, parce que le jupon ne dépasse pas, Tintin n'est pas tenté par la par la chair ou autre diversion que de jouer aux défenseurs de la veuve et de l'orphelin, finalement. Donc, il y avait des valeurs, on le sait. Hergé était lui-même un boy scout belge dans les années 30, des années 20 plutôt. Il est né en 1907, Hergé. Donc, ça se traduisait aussi, cette époque-là. Hein, l'ère du temps se traduisait dans des histoires où, Tintin nous amenait à devenir de bons chrétiens, en quelque sorte. Donc, tout est là pour réuni pour que Tintin soit très, très présent au Québec. Et ce sera le cas. Les aventures de Tintin. De l'album Les cigares du pharaon. Nous commençons à la première page. Le bateau quittait, il y a quelque temps, le port de Chicago, où Tintin a vécu tant d'expériences. La mer est calme, rien ne laisse prévoir les péripéties que vont connaître Tintin et Milou en route vers Shanghai. Du pont du navire, l'on peut voir un léger voilier que regarde distraitement Tintin. Eh oui, mon brave Milou, nous serons dès demain à Port Saïd où nous ferons escale. Oh, encore une escale! Mais c'est pour quand le terminus? Ben, nous traversons d'abord le canal de Suez, ensuite escale à Aden. Ben, ça n'en finira jamais. Eh non! Nous devrons encore faire escale à Bombay, puis à Colombo, dans l'île de Ceylan, et puis Singapour, Hong Kong. Enfin! Oui, enfin! Le but de notre voyage, Milou, Shanghai. Cet extrait de la diffusion des aventures de Tintin à la radio de Radio-Canada avec Jean Besseret dans le rôle de Tintin, c'est un autre bon exemple de la popularité de Tintin chez nous dans les années 60. De fait, vous avez un petit peu déjà abordé la question, Tristan Demers, en disant qu'il se retrouve dans différentes publications, Tintin, mais quelle place il occupe, Tintin, dans le Québec des années 60? Ben, en fait, il fait partie, c'est le cadeau de Noël que recevaient essentiellement les garçons. C'était une époque où les garçons lisaient Tintin et Bob Moran, les filles lisaient les Martines. Et bon, il y avait X-13, des trucs québécois, mais si peu, qui occupaient l'espace littéraire jeunesse, parce que à cette époque-là, évidemment, on ne publiait pas grand-chose. Alors, ça nous venait essentiellement de nos cousins français ou de la Belgique. Et puis, il y a Yves Michaud, qui, avant de se lancer en politique active, lui, arrivait du Clairon de Saint-Hyacinthe et prenait les rênes du journal La Patrie. Alors lui, Michaud s'est tout de suite intéressé à remplacer les petits comiques qui étaient pour bien des gens pas de la vraie lecture, américains traduits à la voix comme je te pose dans les salles de rédaction des journaux. Eh bien, il fallait les remplacer par des produits francophones, en fait. Mm-hmm. Et tout de suite, ils ont pensé à Hergé. Donc, Michaud est allé négocier avec Raymond Leblanc, qui était l'éditeur du journal Tintin à Bruxelles aux éditions du Lombard. Et puis, on a donc octroyé à toute l'équipe de La Patrie la possibilité et de distribuer le journal de Tintin via les messageries de La Patrie dans tous les dépanneurs et les terminus d'autobus du Québec et publié chaque semaine dans les suppléments de journaux Tintin, comme ça, une espèce de feuilleton à suivre de façon hebdomadaire. Alors, c'est là que s'est enclenchée une espèce de Tintin-mania. Mm-hmm. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais vous savez, à l'époque, il y avait des films aussi qui étaient projetés dans les sous-sols d'églises et dans les écoles. Il ne faut pas oublier que jusqu'aux années 60, en bas de 16 ans, c'était compliqué d'aller au cinéma voir un film. Hein. C'est une loi qui était là depuis l'incendie du cinéma Laurier Palace en 1927 sur Sainte-Catherine-Est, où là, on avait limité l'autonomie des moins de 16 ans à pouvoir aller au cinéma. Donc, oui, effectivement, si on voulait voir des films de Tintin, ça se passait du côté du clergé, dans les écoles et surtout dans les sous-sols d'églises, des espèces de projections organisées, improvisées les samedis. Alors, Tintin était partout, c'était assez particulier. Il y avait même des spectacles de marionnettes au jardin zoologique, l'espèce de zoo qu'on appelait le jardin des merveilles au parc La Fontaine à Montréal pendant 7 ans. Il y a eu et l'émission de radio à la radio de Radio-Canada avec tous les comédiens de l'époque, de la Ribouledingue et ainsi de suite. Oui. Et les spectacles Tintin, en plus des albums, des journaux, des suppléments journaux, voyez-vous. Alors là, on était dans toute la fameuse convergence dont on parle maintenant. Eh bien, Yves Michaud en a créé à quelque part la convergence Tintin de toute une décennie à l'époque. On lui doit ça quand même. Ouais. Et c'est dans ce contexte-là, donc au milieu des années 60, en 1965 pour être précis, que Hergé va débarquer au Québec. Attention, attention, les jeunes de 7 à 77 ans, Tintin, le capitaine Haddock, je dirais plus, je dirais même les frères Dupont et M. Tournesol, sont heureux de la présence à Montréal de leur créateur, Hergé. Qu'est-ce qui vous amène au Canada? Eh bien voilà le salon de l'enfance, le salon du livre plutôt qui se tient à Montréal ces jours-ci, avant tout. Et puis alors, la sympathie que j'éprouve pour ce pays, que je connais depuis au fond très longtemps sans le connaître, parce que lorsque j'étais scout, parce que j'étais scout, dans ma patrouille, il y avait deux jeunes garçons qui revenaient du Canada et qui m'en ont parlé très souvent et qui m'ont appris même, j'avais à ce moment-là 13 ans, je vois, ils m'ont appris l'hymne national canadien. Je m'en souviens, forcément. Est-ce qu'il y aura peut-être un jour un album sur le Canada? Mais écoutez, je peux rien vous dire. Je viens d'arriver ce soir. Ce que j'en ai vu ne me permet pas encore de dire oui ou non, mais enfin, j'espère, pourquoi pas. Extrait de l'émission Partage du jour, animé par Henri Bergeron en 1965. C'est le journaliste Réginald Martel que vous entendiez interviewer Hergé dans cet extrait. Dans quel contexte Hergé débarque-t-il donc chez nous en 1965, Tristan Demers? Ben, en fait, pour vérifier, d'une part, et souligner la popularité du journal Tintin qui fonctionnait bien, il devait venir en 64. Il y a eu des frictions avec Henri Verne qui avait été invité en même temps et l'un et l'autre ne se parlaient pas beaucoup. Ce qui fait qu'Henri Verne est allé, d'ailleurs, ceux qui connaissent les Bob Moran se souviennent de Terreur à la Manicouagan qui a été publié suite au passage de Verne sur la Côte-Nord, et Hergé fera de même l'année suivante. Alors, une fois arrivé à Montréal, fait de la promo, Salon du livre, il habite au Queen Elizabeth et dédicace au Palais du commerce. Chez Eaton, fait un petit tour à Télémétropole, quelques entrevues à Radio-Canada, préside un concours aussi à la Bibliothèque de Montréal sur Sherbrooke, en face du parc La Fontaine, là où se trouvent les marionnettes, va faire un tour avec Micheline Legendre des marionnettes de Montréal qui avait organisé tout ça. Oui. Et puis, rapidement, se retrouve à Sainte-Scolastique, à la Cabane à sucre, avec Jean Besseret, on veut. Et puis, bon, librairie Garneau à Québec, passage dans une école secondaire. Et se retrouve à la Manique, lui aussi, au chantier Outarde, pour aller visiter tout ça. Revient sur Montréal et repart sur Paris, cette fois-ci, même s'il arrivait de Bruxelles au départ. Bon. Ce qui est récurrent dans le passage d'Hergé chez nous, cette espèce de quête ou de défi que les journalistes et qu'à peu près tous les intervenants qui font affaire avec lui se donnent, cette espèce de défi de le convaincre, oui, de faire vivre une aventure de Tintin au Québec. Oui. On est dans les années 60, on veut rayonner. Et quoi de mieux que Tintin? Vous savez, Charles de Gaulle disait que son seul rival international, c'était Tintin, au fond. Oui. Alors, c'est un héros qui rayonnait. Et on cherchait, bien sûr, à rayonner. Et ça a failli se faire à travers un film avec l'ONF. Bref, mais finalement, ce rendez-vous n'a jamais eu lieu, cette, oui, espèce de rendez-vous entre Tintin et les Québécois à travers une aventure dessinée et proposée au lecteur. Même si, bon, il y a ce rêve, évidemment, on voudrait qu'il y ait une aventure de Tintin qui se déroule au Québec. Puis, au fond, vous nous parliez un petit peu de l'itinéraire qu'il va emprunter lors de son séjour au Québec, mais cet itinéraire-là, il n'est pas innocent. On lui fait voir la Manique, la grandeur, la puissance hydroélectrique, c'est les années 60, c'est la Révolution tranquille. On veut lui vendre le Québec. Tout l'itinéraire, oui, est construit pour ça. Et l'école Joseph-François Perrault, qui est une des premières polyvalentes écoles secondaires publiques, on est en 65. Donc, le ministère de la Culture, celui de l'Éducation, tout ça est relativement récent dans le paysage. Le clergé est encore là, bien présent. Vous savez, au tout début du Salon du Livre, le cardinal Paul-Émile Léger a béni avec de l'eau bénite chacun des stands. Alors, c'est fou de voir le chemin parcouru. Mais oui, ce qu'on lui vend, c'est le Québec moderne pour se sortir de l'image du caribou, des calèches et des... Bon. Et il en revient enchanté, évidemment. Et là, et c'est une chose qu'on a vue souvent au Québec par la suite, hein, le fait que poliment il se soit exprimé sur la chaleur des Québécois ou des Canadiens français, comme on le disait à l'époque, mais nous, on a traduit ça par un réel intérêt, oui, à travailler avec lui, à monter des projets, alors qu'Hergé était sollicité de partout dans le monde. Il ne faut, oui, pas l'oublier. Alors, c'est vrai, c'est une multinationale, avec ses employés, son équipe, son studio sur l'avenue Louise à Bruxelles et ses voyages voyage. Bon, alors oui, il y a le Québec, mais il y a aussi bien d'autres pays qui auraient voulu rayonner de cette façon-là. Je reviens sur cette idée d'album quand même. Vous le disiez, tous les journalistes sont obsédés par ça. On veut absolument lui dire, l'inviter à faire un album, puis lui demander, allez-vous en faire un, allez-vous en faire un. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est expliqué là-dessus, Hergé? Est-ce qu'on sait pourquoi finalement il ne consacrera pas un album au Québec? Bien, à ce moment-là, le Québec est en espèce de bouillonnement culturel, mais identitaire également. Et ce que l'ONF, à travers le film ou même bon, d'autres intervenants en lien avec l'édition, lui proposaient, c'était de faire en sorte que Tintin puisse, à la limite, se positionner dans le débat. On est à 3 ans, à 2 ans du Vive le Québec libre, on est le RIN est là, il se passe plein de choses. Alors, rapidement, les conversations devenaient politiques. On parlait du FLQ, on parlait de tout ça. On se demandait où Tintin se positionnait là-dedans. Et Hergé faisait toujours bien attention de faire en sorte que son héros ne soit pas politiquement impliqué. D'abord, ça aurait très mal vieilli que de lire une histoire de Tintin maintenant qui prend position politiquement sur quoi que ce soit. Mais l'essence même de Tintin ou l'esprit Tintin n'est pas celui qui aurait, en tout cas, que bien des gens auraient voulu voir dans des albums publiés ici. Donc, finalement, il y avait vraiment une divergence. Ça restait poli, quoi. Oui. Mais ça n'allait jamais plus loin. Et puis, Hergé, c'est un électron libre aussi. À tous pour un ce soir, en direct du studio 43 de Radio-Canada, 3e et dernière émission de la série sur Tintin. Caroline Chouinard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ton plateau dans nos albums. Oui. Ensemble, pour une dernière fois, on va compléter le tour des aventures de Tintin. Alors, Caroline, on y va. Tu vois ici derrière moi, j'ai cette page du Daily Reporter qui annonce justement le dénouement de l'aventure. Eh bien, peux-tu me donner, c'est là mes questions, le numéro de cet exemplaire du Daily Reporter et le nom des 4 courageux policemen qui aidèrent Tintin à capturer les bandits? On commence par les policiers ou par le numéro de l'exemple? Le numéro, ça va. Tu connais le numéro? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est 11-432. Oui. Maintenant, le nom des 4 policiers. OK, le premier, c'est E. McGregor. Tu dis McGregor, tu as raison. Le deuxième, T.W. Stewart. Stewart. L'autre, c'est B. Robertson. B. Robertson, avec l'accent, pardon. Et le dernier, c'est H. McLeod. H. McLeod, évidemment, tout ça, ça se passait en Écosse. Tu as raison. 5 sur 5, c'est 100%. C'est très bien démarré, cette dernière émission. Je te félicite. Dans les années 1990, vous venez de l'entendre, Radio-Canada ramène l'émission Tous pour un à l'antenne. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre de cet épisode de Tous pour un consacré à Tintin en 1993, qui est animé par Gilles Goujon, vous l'avez peut-être reconnu, cet extrait-là nous amène à parler de ce que représente aujourd'hui, plus près de nous en tout cas, 93, mais aujourd'hui, Tintin au Québec. Je vous pose la question directement, Tristan Demers, où en est aujourd'hui le Québec avec Tintin? Bien, c'est intéressant comme question parce que certains diront que Tintin est devenu une espèce de classique, mais de produit de l'élite. C'est-à-dire que moi, pour mes enfants, Tintin, c'est un peu comme une vieille toune des Beatles. Hein? C'est toujours bon quand on la réécoute, mais il faut passer par-dessus la pochette avec les cheveux longs, les pantalons, pattes d'éléphant. Pour mon gars de 18 ans, il y a quelque chose, a priori, qui semble décalé dans le temps. Dans un album de Tintin, il n'y a pas d'iPad, Tintin. Il y a une vieille dactylo en téflon, je veux dire, pour prendre des notes. Alors, je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Alors, on arrive à un stade où, puisqu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis 76, je dirais même que c'est 2 générations pratiquement, cela. L'année dernière seulement, il y a plus de 3000 titres en français qui ont été publiés en bande dessinée. Donc, la compétition, elle est très forte. Et Tintin, c'est une... En fait, on assure la pérennité de Tintin sur une œuvre passée. On protège le patrimoine graphique d'Hergé, mais on ne peut pas, contrairement à Astérix, par exemple, garder cette licence vivante à travers de nouvelles aventures. Alors là est tout le défi pour Moulinsart, qui gère la succession et les droits de Tintin et d'Hergé, c'est ça le défi, c'est de faire en sorte que la prochaine génération pourra se reconnaître. Évidemment, les ventes ne sont plus ce que c'était. Ouais. Et pour un enfant de 8 ans ou de 12 ans, Tintin n'est plus un héros actuel. C'est à nous de passer le flambeau, de faire découvrir Tintin. On est à l'ère des textos aussi. Les BD à la mode, les mangas sont arrivés, ce qui n'existait pas il y a à peine 20 ans. Donc, on est dans le court texte, dans le clip. On est dans le. Alors que Tintin, il s'agit de grandes histoires avec des bulles assez touffues. Il y a beaucoup de dialogues là-dedans. Et puis, ça peut rebuter certains jeunes qui ont plus cette espèce d'habitude d'investissement de lecteur ou de lecture en lisant, c'est ça. Un Tintin, on s'investit. On embarque avec lui dans une grande histoire. On part en Chine, on part au Tibet, on part en Amérique, on part au pays de l'or noir ou même sur la Lune. Mais on le fait avec un investissement qui demande du temps, qui nous sort de cet esprit d'instantanéité dans lequel on se trouve en ce moment. Alors, c'est vrai qu'il y a un décalage, mais évidemment, ça demeure un classique. Ça ne bougera pas. C'est un classique avec une structure narrative formidable et un immense talent. Ouais. Et c'est surtout une photographie du 20e siècle aussi. Mais le défi, c'est probablement, en vous écoutant, que est-ce que Tintin peut, par lui-même, attirer un jeune lectorat, ou s'il faut encore cette espèce d'intermédiaire qui est pour l'instant, qu'a été, en tout cas, notre génération qui pointait des Tintins à leur progéniture. C'est peut-être ça le grand défi, en fait. C'est que Tintin soit assez fort lui-même pour survivre. Exactement. Pour assurer qu'il durera dans le temps. Et ce qui est bien important, c'est de ne pas toucher à cette espèce de photographie du 20e siècle que représentent la plupart des albums. On part du Congo belge paternaliste et du scout de droite catholique des années 30 et on se retrouve en 76 avec chez les Picaros avec des références à l'art abstrait ou à la gauche sud-américaine. Alors, moi, ce que j'adore de Tintin, avec ses défauts, avec ses aberrations au regard, avec notre regard contemporain, celui qu'on a aujourd'hui sur un paquet de choses, évidemment, parce que, bon, chez les Soviets, on sait la peur du communiste, on est ailleurs, là, mais c'est justement ce portrait du 20e siècle en 24 albums. C'est important de le préserver. On est là-dedans, dans cette réflexion identitaire de notre passé, de notre regard sur, les références d'autrefois. C'est important de garder ça puis de comprendre l'ensemble de l'œuvre d'Hergé pour saluer le génie derrière Tintin. Tristan Demers, bédéiste, animateur d'émissions jeunesse à la télé, auteur, je le rappelle, du livre Tintin et le Québec, Hergé, au cœur de la Révolution tranquille. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est gentil. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.